Il y en a qui vivent haine d'émotion. C'est haine de l'émotion. Comment est-ce que vous voulez construire des vies, vos vies, si vous vivez d'émotion? C'est impossible. Ils vont vous accrocher là-dedans à tue-tête. L'intelligence, c'est anti-émotion. C'est anti-émotion subjective. Ceux qui vivent d'amour, il y en a qui vivent d'amour, l'amour. Tu ne peux pas vivre d'amour. Tant que tu peux vivre d'amour, tant mieux, mais viens un jour, tu ne peux plus vivre d'amour. C'est tant que tu ne pourras plus vivre d'amour. Va-t'en. Si vous vivez d'amour, là, ça marche. Vous vivez d'amour, c'est votre condition. Donnez-la à claque. Mais il va venir le moment où vous ne pourrez plus vivre d'amour. Puis je vous dis, quand vous sentirez ce moment-là où vous ne pouvez plus vivre d'amour, mon nounou, mon toutou, à ce moment-là, paniquez pas, c'est normal. Vivre d'amour. Vous allez rire demain. Maudit, vous allez rire. Vivre d'amour, vous mourriez d'amour. Si vous aviez à vivre d'amour. C'est pour ça que tu ne peux pas être conscient et être en amour. Tu crèverais. La patate te sauterait. C'est un principe universel. C'est bien trop fort pour nos reins. C'est quand on n'a plus de corps matériel qu'on peut vivre d'amour. Sur le plan matériel, on doit vivre seulement deux choses, la volonté et l'intelligence. C'est subtil quand je parle de l'amour, parce que je sais que la plupart de vous autres, vous êtes tous des amoureux. Quand tu peux dire à ta femme, je t'aime, tu vis l'amour. Quand tu peux plus dire à ta femme, je t'aime, elle sait que c'est là la patente, puis toi t'es là dans la patente, tout est correct. Mais si tu es obligé de dire à ta femme, je t'aime, que lui doit te dire qu'il t'aime. Quelque part, vous allez souffrir de ça dans le temps. C'est inévitable. T'as pas besoin de dire à ta femme que tu l'aimes pour qu'elle sache que tu es bien avec elle. Ce qui est important, c'est que tu es bien avec elle. C'est subtil l'affaire de l'amour. L'amour et l'amour. Capite? Savez, c'est tellement bébête ce que je vous dis. C'est tellement fondamental ce que je vous dis. C'est pour ça que c'est bébête. Vivre d'amour, c'est vivre de vérité. Que ça se tient. Hein? Je suis consistant dans ma folie. L'homme ne peut pas vivre de vérité. L'homme doit vivre. Comment est-ce qu'il y en a qui sont en amour? Je te jure, je te laisserai jamais. Ils ne savent pas que c'est un mensonge, c'est la vérité dans le temps. Mais je vous dis que la vérité, c'est un mensonge. 10 ans après, comme de fait. Je t'aime, mon toutou, jusqu'à mort. On se fait blesser les oreilles avec les chanteuses qui veulent sauter des rochers, comme les Grecs. Puis le pire, c'est que tous les gens qui souffrent, qui vivent d'amour, souffrent d'amour. C'est quand tu ne vis plus d'amour que tu ne souffres plus d'amour. Là, tu es bien. Elle est bien avec son mari à cette heure. Il s'aime plus, je comprends. Ça veut pas dire que la patente est pas là. Inquiétez-vous pas, elle est là, la patente, la vibration. La belle enfant, c'est pas mourable, cette affaire-là. Non, mais. C'est une souffrance, vivre d'amour. Moi, si j'aimerais ma femme, je capoterais. J'aurais une tête grosse de même, j'aurais de l'aide d'un extraterrestre. Je peux pas. Moi, je vous dis ça pour demain. C'est inévitablement comme ça. On est obligé de détruire les lois de l'homme pour rentrer dans la vie du surhomme. On doit détruire les lois de l'homme. Les lois de l'homme, ça marche plus. C'est ça qu'éventuellement, on s'isole dans notre cocon. Dans notre cocon, je dis. L'énergie qu'on perd à être en amour, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Regardez vos jeunesses. Mais c'est normal. Mais quand on rentre dans la maturité de l'homme, faut qu'on réajuste nos fusils et qu'on change de mire pour arrêter de tirer des lapins. Ah, Seigneur du bon Dieu. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on est obligé de détruire tout ce qu'on pensait de beau, puis de bon, puis de fin, puis de grand? Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est obligé de vivre seulement d'intelligence et de volonté. C'est la seule raison, il n'y en a pas d'autre. On est obligé de vivre seulement d'intelligence et de volonté. Si vous saviez comment est-ce que c'est facile la vie quand on vit d'intelligence et de volonté, vous en seriez absolument ravis. Ça se décrit même pas la vie quand tu vis d'intelligence et de volonté, tant que c'est simple. Mais aussitôt que tu commences à vivre d'amour puis d'émotion, de n'importe quelle sorte d'émotion, tu souffres. Comme il y en a qui sont seuls, il y en a qui aimeraient ça avoir une compagnie. Ça, je comprends. Vouloir avoir une compagnie, ça ne veut pas dire nécessairement vouloir être en amour. Mais si les gens qui sont seuls veulent avoir une compagnie quelque part dans le temps, attendez qu'elle vienne. Elle va venir. Si vous voulez avoir une compagnie, elle va venir. Il ne faut pas faire autrement. Dans son temps, au moins vous serez prêts, la compagnie sera prête. Sans ça, vous allez faire faillite. Alors vous êtes bien mieux d'attendre, d'avoir une compagnie qui marche comme du monde, que de faire faillite. Parce qu'une fois que la compagnie marche comme du monde, tu peux plus faire faillite. Ça devient indissoluble ton lien avec telle ou telle personne. Autant vous avez passé par des périodes de possibilité de divorce, possibilité de changement, possibilité d'avoir une autre femme ou un autre mari, autant c'est impossible quand vous vous conscientisez. Parce que c'est plus tes émotions qui dominent ta vie, c'est ton intelligence qui domine ta vie. Ton intelligence, puis son intelligence, ça marche ensemble, ça vient de la même source. Fait que vous êtes plus les deux petits guidous. Pas petite guidonne. Moi, je vous regarde les couples des fois, puis les couples qui sont solides, vibratoirement solides, ça se sait. Je les sais, les couples solides. Sinon, t'as envie de parler. Des fois, j'ai l'impression que j'ai tout dit. Puis je l'ai dit 100 fois, puis 1000 fois. Puis il n'y a rien à dire de plus. Mais il y a toujours quelque chose à dire de plus. Parce que de l'énergie, on a toujours de besoin. Parce qu'on est fait d'énergie. Je vais vous demander une question pour le fun. Soyez honnête. Autrement dit, soyez désengagé. Quels sont ceux qui trouvent ça plate? 1, 2, 3, 4. Là. OK, quels sont ceux qui trouvent pas ça plate? Ceux qui trouvent ça plat. Hein? Que ça soit plate ou que ça soit pas plate, ça devrait être sans importance. Ça devrait être totalement sans importance. Ce qui est important, c'est qu'on se voit de temps à autre. Qu'on ait du fun. Ça, c'est bien plus important. Vous ne réalisez pas comment est-ce que c'est important. Moi, je réalise comment c'est important. Qu'on a du fun. Petite Josette, grande Josette. Moi. Des chums ensemble. Puis dis, c'est ça qui est le plus important de tout. Que je sois plate ou pas plate, ça, c'est pas important. Mais qu'on ait du fun, qu'on se voit de temps à autre, qu'on jase, qu'on se communique, qu'on se parle. Qu'on sache qu'on peut se parler, que ça se comprend. C'est ça qui est important. Puis un jour, quand je vais cesser mes activités publiques, c'est là que vous allez réaliser que c'est important qu'on se rencontre, qu'on se parle, qu'on jase, que le monde se connaisse. Tout le reste, il n'y a rien là. Tout le reste, c'est rien là. La Josette, le parleur, il n'y a absolument rien là. Mais qu'on soit amené, dans une période très courte, à une vibration qui coïncide avec chaque individu, ça, c'est très important. Parce que demain, autant aujourd'hui. J'ai une sorte d'importance dans votre vie, autant demain, vous autres, vous aurez de l'importance dans votre vie. Parce que le noyau remplacera ma personne. Il y aura la même quantité d'énergie dans le noyau que dans ma personne. C'est pour ça que ce qui est important, c'est qu'on se rencontre de temps en temps, qu'on ait du fun, qu'on s'amuse. Soit qu'on parle, ou qu'on prenne un pot, ou qu'on prenne un verre, quoi que ce soit. Et qu'on vive un petit peu, qu'on s'amuse un petit peu, qu'on puisse parler un petit peu, qu'on socialise un petit peu, puis qu'on s'aperçoive qu'on n'est pas tout seul. Puis qu'on sache qu'on est dans la même énergie. Les plans de l'évolution de l'homme de la sixième race sont totalement voilés. Alors, de là ses souffrances, mais sa compensation, ce sont ceux qui font partie de cette même conscience-là. C'est votre seule compensation, vous n'avez pas d'autre. Il viendra un moment dans votre vie où vous n'aurez plus de compensation que la conscience de ceux avec qui vous vivez ou la conscience de ceux avec qui vous côtoyez. Vous n'aurez plus d'autre. Quand on a une chance d'être ensemble, ça va à peine. Notre vie demain deviendra l'expression permanente de notre sensibilité. On vivra simplement au niveau de notre sensibilité. On ne pourra plus vivre au niveau de nos sentiments avec notre sensibilité. Et c'est vibratoire, la sensibilité. Oui, quand je vois la belle une fois par mois, je suis content. Je vois un autre, je suis content. Le content, c'est ça. Il n'y a rien de plus, puis il n'y a rien de moins. C'est ça. La belle, mon chat. Daniel, mon chat. L'autre, mon chat. C'est subtil ce que je vous dis. C'est mauditement subtil ce que je vous dis. C'est ça le noyau. L'énergie du noyau. Puis quand tu rentres dans l'énergie du noyau, celui qui est dans l'énergie du noyau, c'est ton chum, c'est ton chum. Ça peut pas être ton chum. Parce que t'es bien avec, c'est plaisant. C'est la société anonyme. Puis ils disent que viendra un jour où, quand vous regarderez dans les yeux d'un homme, vous ne verrez plus de division entre vous et lui. C'est celle-là. Ces deux étrangers qui se rencontrent, il y a une division entre l'un et l'autre. Quand tu rentres dans le noyau, il n'y a plus de division entre toi et lui. C'est comme si tu t'étais toujours connu, il n'y a plus de temps. Dans cette relation-là, l'intelligence créative agit et construit, ainsi de suite. Mais il faut que les hommes, avant que cette intelligence puisse agir et construire, il faut que les hommes puissent se regarder dans les yeux et voir qu'ils se sont toujours connus. Tant qu'il y a de l'étrange dans le regard entre vous et un autre, vous n'êtes pas dans le noyau. Il n'y a pas de noyau. Il n'y a pas de conscience de noyau. Je vous en donne une clé. Si vous regardez un homme dans les yeux, puis il y a un mur entre vous et lui, c'est vibratoire, le mur. C'est lié à la personnalité, c'est lié à l'émotion, c'est lié à toutes sortes de choses. S'il y a un mur, vous n'êtes pas dans le noyau. Et si vous êtes dans le noyau, qui est en dehors du noyau, vous allez sentir. Et c'est comme ça que le noyau se forme, c'est comme ça que le noyau s'isole, c'est comme ça que le noyau se densifie, et c'est comme ça que les ponts se brisent entre le noyau et l'extérieur. De sorte qu'éventuellement, avec les années, le noyau sera tellement intense, tellement dense, que les gens ne pourront plus vivre avec ceux qui ne sont plus dans le noyau. Et ce sera le début de la grande séparation entre les hommes. Ils disent que lorsqu'il y a un regard étrange entre deux hommes, il n'y a pas d'intelligence entre deux hommes. Et s'il n'y a pas d'intelligence entre deux hommes, il n'y a pas de conscience supramentale qui lie les hommes, qui les active les hommes, qui les font faire des choses les hommes. Il y a des gens que tu peux rencontrer 10 fois, 15 fois, 100 fois, 150 fois, il y a toujours un mur. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas là. Quand l'intelligence est là, elle passe à travers les yeux, il n'y en a plus de mur. Quand même, tu verras la personne pour la première fois. Et c'est avec cette perception-là que les hommes de demain reconnaîtront les hommes de demain. Et ceux qui se reconnaîtront dans le temps vivront en relation avec eux-mêmes d'une façon totale, inimaginable dans votre présent état de conscience, mais totale. C'est pour ça que les conférences, les rencontres servent à faire descendre l'énergie nécessaire pour que vous entriez dans votre intelligence, pour que, en 84, le noyau soit formé et que moi, je puisse m'enlever de la scène. C'est pour ça quand je vous demande si c'est plate, si c'est pas plate. Ceux qui sont dans l'intelligence trouvent ça ni plate ni pas plate. L'intelligence, ça vient avec le temps. Ceux qui entrent dans l'intelligence, ceux qui entrent dans l'intelligence n'ont plus besoin de moi. Ceux qui entrent dans l'intelligence n'ont plus besoin de moi. Je suis là anyway. D'une façon ou d'une autre. Mais tout revient sur l'homme lui-même. Ils disent que la raison pour laquelle ils vont faire des conférences le fun, puis des conférences pas le fun, c'est pour tester l'intellect, pour tester l'ego, pour tester l'émotion de l'ego, pour forcer l'ego à aller au-delà de lui-même, pour amener l'ego à entrer dans son intelligence. Pour que tout soit vibratoire chez l'ego et non psychologique. Vibratoire et non psychologique. Il ne faut pas qu'il y ait de valeur dans les paroles. Simplement la vibration. Donc, s'ils commencent à faire ça, vous pouvez vous assurer que vous allez avoir des conférences claires. Mais il ne faut pas qu'il fasse ça trop plate, parce que moi, j'aime ça m'amuser aussi. Mais je les connais. Faut qu'on commence à comprendre qu'on n'a plus besoin de personne. Faut qu'on commence à comprendre qu'on n'a plus besoin de personne. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se servir soi-même. Puis je vous le souhaite. Parce qu'un jour, de la nourriture extérieure à vous-même, il n'y en aura plus. Fait que vous allez être obligé de vous servir vous-même. Puis pour que vous puissiez vous servir vous-même et vous soutenir vous-même, vous êtes obligé de vous servir à la table de votre propre intelligence, pas de la mienne puis celle des autres. Dans une conférence comme celle-ci, je parle d'une façon très générale. Il y a beaucoup de choses que je dis qui sont comprises depuis bien longtemps. Il y a beaucoup de choses que je dis. Et vous devez être capable dans le temps de pouvoir absorber le plat, parce qu'il n'y a rien de plus important que le plat. Quand tu es capable d'absorber le plat se dissout. Il n'y en a plus de plat. Puis quand tu es capable d'aller au-delà du fun, le fun se dissout. Il n'y a plus de fun. Quand il n'y a plus de fun, puis il n'y a plus de plat, il n'y a plus rien, excepté ton intelligence, ta vibration, ta conscience, ta vie, ton toi, ton bien dans ta peau. Mais tant que vous avez besoin du fun ou que vous souffrez du plat, vous n'êtes pas dans votre intelligence. Et autant vous serez obligé un jour de détruire et ne plus vivre du fun, parce qu'il n'y a pas de fun dans la vie. C'est une illusion de l'ego. Il n'y a pas de fun dans la vie. Il y a du plaisir de vie. Il n'y a pas de fun. Le fun, c'est totalement astral. Le plaisir, c'est intelligent. Parce que le plaisir implique un mouvement créatif de la conscience à travers les principes quelconques. Fait que ceux qui ont besoin du fun pour s'alimenter, éventuellement, ne pourront plus vivre du fun. Ils vont trouver ça plate. Ceux qui trouvent ça plate, la vie, c'est parce qu'ils sont en évolution. Alors, il y a une progression. Ceux qui sont dans le fun vont entrer dans le plat. Ceux qui sont dans le plat sont en évolution pour entrer dans le vide. Ceux qui sont dans le vide commencent à comprendre. Je veux approfondir ce qui se rattache au phénomène de l'émotion de la vérité. L'émotion de la vérité, c'est une vibration qui permet à l'ego de se sentir en sécurité, qui permet à l'ego de se sentir correct, qui permet à l'ego de se sentir dans la bonne voie, dans la bonne action. L'émotion de la vérité, c'est un support psychologique pour l'ego. L'émotion de la vérité, c'est une béquille pour l'ego. L'émotion de la vérité, empêche l'ego de vivre purement de son intelligence. Lorsque l'ego vit purement de son intelligence et qu'il se produit dans son expérience une situation qui, à cause de sa nature, souvent dans le domaine du moral ou de la moralité ou de la vertu humaine, lorsqu'il se produit dans son expérience quelque chose qui suscite une émotivité dans la vérité de cette action-là, l'ego doit faire un choix. S'il est suffisamment dans son intelligence, il pourra faire le choix relativement facilement, dans ce sens qu'il sera indiqué par son intelligence que son choix, que le choix de son action est justifiable à la lumière de son intelligence. Et le choix de l'action ou l'action de l'ego doit être toujours justifiable dans la lumière de l'intelligence, par l'intelligence. L'action ne doit être jamais justifiable dans le cadre de l'émotion de la vérité de l'ego. Lorsque l'ego vit l'action et que l'action est justifiée par l'intelligence de l'ego, par l'intelligence dans l'ego, par la lumière dans l'ego, il se produit deux choses dans l'ego. Soit que l'ego soit suffisamment centrique pour ne pas vibrer dans l'émotion de la vérité de l'action, à ce moment-là, il est libre, ou il n'est pas suffisamment centrique pour subir le choc émotionnel de la vérité de l'action et automatiquement il souffre de la vérité de l'action jusqu'à temps qu'il ait développé suffisamment de résistance au niveau de l'émotion centrique pour ne jamais souffrir de l'émotion de la vérité dans l'action parce que l'émotion de la vérité de l'action est annihilée par la présence de l'intelligence en lui. Comprenez-vous? Lorsque l'ego commence à vivre de l'intelligence en lui, les portes de la vie s'ouvrent à lui et tous les pouvoirs de la vie s'ouvrent à lui. Toutes les capacités de la vie s'ouvrent à lui, tout le plaisir de la vie s'ouvre à lui, toute la vie devient un tapis sur lequel il peut marcher. Dans la direction dont il fait le choix, dans toutes les directions qu'il veut bien emprunter. Mais tant que l'ego est dans la vérité de l'émotion ou l'émotion de la vérité, il rétrécit le tapis de la vie et s'enligne simplement sur des lignes très précises, sur des petites carpettes. Il ne vit pas, mais existe. Mais lorsque l'ego est suffisamment conscient pour ne vivre que de l'intelligence en lui et ne jamais succomber à l'émotion de la vérité en lui. Il ne peut jamais expliquer à une autre personne sa capacité de vivre outre l'émotion de la vérité, parce qu'une autre personne qui est dans l'émotion de la vérité ne comprendra pas et automatiquement sera scandalisée par l'action de la personne qui vit dans l'émotion de la vérité. Ce que je vous donne présentement, c'est un thème universel de la conséquence de l'apprivoisement de l'ego par les forces de l'intelligence pour le bénéfice de l'ego dans la vie. Ce que je vous indique, c'est une façon à l'intelligence de pénétrer dans l'ego, de le faire éclater et de le multidimensionnaliser dans l'expérience personnelle, matérielle, ou dans l'expérience impersonnelle, éthérique, ou dans l'expérience prépersonnelle de son intelligence. Un ego qui ne vit plus, qui n'est plus capable de vivre dans l'émotion de la vérité, se sent automatiquement allégé parce que le fardeau de la vertu de la vie se dissout. Parce que le fardeau de la vertu de la vie qui devient le fardeau de la vertu de la tradition, qui devient le fardeau de la philosophie, de la valeur de la tradition, disparaît parce qu'il n'a plus à emprunter l'ancien chemin des hommes pour vivre la vie dont il a la capacité de vivre parce qu'il a l'intelligence de la vivre. Autrement dit, l'ego n'a plus à demander à l'homme, à l'humanité, une opinion pour aller dans telle ou telle direction. Ce que je vous dis a une très grande implication pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir de l'homme et pour le destin de l'homme en tant qu'individu ou en tant qu'individu appartenant à une conscience unitaire cosmique. L'homme cosmique ne demande jamais à personne comment, pourquoi et envers qui. L'homme cosmique ne demande jamais à personne rien parce que l'homme cosmique est dans son intelligence. L'homme demande l'opinion à l'homme lorsqu'il est dans l'émotion de la vérité pour s'assurer qu'il est dans la vraie vérité ou qu'il n'est pas dans la fausse vérité. Mais lorsque l'homme est dans l'intelligence qui supplante, qui est au-delà de la vérité et le mensonge, il n'a plus à demander à personne, ni maître, ni humain, s'il devrait faire telle chose ou telle chose. Il le fait. Et lorsque l'homme commence à faire, lorsque l'homme commence à vivre, lorsque l'homme commence à faire l'expérience sur le plan matériel de son intelligence, il commence à reconnaître en lui la possibilité de tout ce qui existe dans son inconscient. Et là, je parle d'inconscient d'une façon particulière. Les psychologues ont développé une formule pour expliquer qu'à l'intérieur de l'homme, il y a des pulsations, il y a des désirs latents qui, au cours de la vie, ne peuvent jamais s'exprimer. Et ces désirs ne peuvent jamais s'exprimer, ces pulsations ne peuvent jamais prendre des ailes. Parce que l'homme est prisonnier de l'existence, parce que l'homme est prisonnier de l'émotion de la vérité. Et souvent, un psychologue compétent qui traite un patient qui souffre de ce qu'ils appellent un complexe quelconque va forcer cette personne à réaliser en surface ou en conscience ses pulsations intérieures que lui, au niveau de l'émotion de la vérité ou de l'émotion du mensonge, se refuserait d'accepter ou de même voir. Et ce qui se produit en général quand un psychologue fait ceci ou qu'il termine son traitement du patient sur une note de réhabilitation, souvent le patient vit un choc. Freud en a donné des exemples dans ses études cliniques. Mais pourquoi l'homme vit un choc quand il s'aperçoit que des pulsations à l'intérieur de lui-même dans ce que le psychologue appelle son inconscient. Pourquoi il vit un choc quand ces pulsations-là ne puissent plus faire surface et demeurent incarcérées dans la structure psychologique de la vérité ou du mensonge? Parce que l'homme est incapable de subir l'intelligence en lui qui fait pulser en lui des formes de désir trop puissantes pour sa volonté et son intelligence. De sorte que l'ego se rend flou, se ferme, devient malade. Parce que l'intelligence qui fait pulser ses formes et la volonté qui serait nécessaire pour que ces formes s'extériorisent est insuffisante. Mais l'homme qui se conscientise, l'homme qui a compris l'illusion de l'émotion de la vérité et l'illusion de l'émotion du mensonge, se libère automatiquement de la puissance de son subconscient. Et en se libérant de la puissance de son subconscient, il se libère de la mémoire de son subconscient. Et en se libérant de la mémoire de son subconscient, il génère en lui une mémoire nouvelle qui est instantanément créée par l'intelligence et la volonté, de sorte qu'il se coupe de la mémoire planétaire karmique pour entrer dans la mémoire cosmique, pour entrer dans une capacité, dans une vision, dans un mouvement, dans une action, dans un dynamisme qui est directement le résultat de la confrontation de son corps émotionnel avec son intelligence supramentale. De sorte que son intelligence émotionnelle, en confrontation avec l'intelligence supramentale, se rétrécit, éventuellement disparaît, et donne lieu à une nouvelle naissance chez l'homme, qui devient pour lui le plancher, le tapis énorme de la vie dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui lui donne des ailes, et qui lui permet, une fois pour toutes, d'être suffisamment parfait pour vivre sur le plan matériel sans souffrir. Et quand je dis d'être suffisamment parfait pour vivre sur le plan matériel sans souffrir, je veux dire que cette conscience lui permet de mettre en action des mécanismes qui deviennent pour lui une soupape tant qu'il n'est pas suffisamment dans l'énergie de la lumière pour passer dans un autre monde où l'expérience est parfaite, totale et absolument radiante. L'homme a deux possibilités de vie sur la terre matérielle. Dans l'inconscience, on les connaît. Elles sont totalement limitées. Souvent, elles apparaissent comme étant vastes parce que l'homme peut avoir les moyens matériaux pour se donner une vie suffisamment agréable. Mais néanmoins, même si l'homme a les moyens matériaux pour se donner une vie suffisamment agréable, il souffre toujours de la limitation de la vie parce qu'il n'a pas en lui l'intelligence. Alors automatiquement, qu'il soit riche ou pauvre, il souffre de la même condition. D'un autre côté, il y a l'homme conscient, l'homme qui est dans son intelligence, l'homme qui ne vit que par son intelligence, l'homme qui ne vit que par l'action de son intelligence en lui et qui ne suscite en lui l'énergie que par la volonté réelle, crée et peut créer une vie matérielle avant le départ pour l'éthérique, crée une vie matérielle suffisamment puissante en possibilité à cause de la grandiose liberté qu'il possède pour neutraliser les pulsations dans l'inconscient de l'homme qui sont mises dans l'inconscience de l'homme par vibration, à cause du dispositif qui existe entre la vibration de l'âme et l'ajusteur de pensée. L'homme ne doit jamais souffrir de son inconscient. Il doit toujours pouvoir le détruire. Et s'il détruit son inconscient, et il y a seulement une façon de détruire l'inconscient, de neutraliser les pulsations que l'on ne peut pas amener à surface, C'est pas l'intelligence, c'est la volonté. Alors, on détruit l'inconscient en faisant ce que l'on veut.